mois plus tard, il est 6h du mat. Rien n'a changé à part le fait que t'as eu le bac. Avec ta mère, les liens sont plus tissés. Tu pars peu, la flemme de te justifier. Tes putains de silence éloquents, poisse t'as pris dans les bras. C'est pas que t'as rien à dire, c'est juste qu'ils comprendraient pas. Tu passes tes nuits devant Netflix et des plats réchauffés. T'avais des rêves dans l'ascenseur, mais t'as le moral au rez-de-chaussée. C'est pas que t'aimes pas les gens, c'est juste que les gens font trop de manie. C'est pas que t'es mal accompagné, c'est juste t'aimes pas la compagnie. T'as l'impression qu'on te regarde comme aux autres. T'as compris que dans la vie, on te soutient que sur les réseaux sociaux. Et t'as fait ce que t'as pu. T'as teasé pour oublier, au final t'as même oublié ce que t'as bu. Et le temps passe alors tu dormais pour faire passer le temps. Et même les moins ambitieux te sont passés devant. Plus d'issue de secours. Est-ce que les gens te likent parce qu'ils t'aiment ou est-ce qu'ils te likent pour que toi tu les likes en retour? Les êtres humains on se connaît. 95% nous aiment pour ce qu'on a. Et les autres nous aiment pour ce qu'on est. Sur la vie et ses fausses notes, plus le temps de danser. Tellement silencieux que tu pourrais même t'entendre penser. À peine construit le château s'écroula entouré de soulards. À chaque soirée tu te demandes qu'est-ce que tu fous là. Ta daronne veut te parler, tu dis que c'est pas le moment. T'as eu ton bac, tu sais même pas comment. T'es du père et devant elle, tu caches le fait que t'as peur. Chaque jour est une putain de série dont t'es que spectateur. Ta putain de vie n'est plus ce qu'elle était. Tu te fais chier les vacances d'hiver, tu te fais chier les vacances d'été. Plus rien à foutre, alors t'avances sans famille et sans clan. Au fond du gouffre, tu passes ta vie à dormir ou à faire semblant. Tu te demandes si dans ta tête ça tourne pas rond. Et tu vieillis tout comme les souvenirs du daron. Ton cœur est noir, ta tête c'est la Russie. L'impression que dans ton entourage tout le monde a réussi. Évidemment sauve-toi. Et cette putain de voix dans ta tête qui te crie va te sauve-toi. T'avances comme si t'avais le trac. Tu sais pas ce que tu vas faire demain, mais on te demande ce que tu feras après le bac. T'en as plus rien à foutre de savoir si tu vivras vieux. Tes potes sortent des disquettes, t'inquiète va tôt, demain tout ira mieux. Personne te comprend, mais est-ce qu'ils t'ont déjà compris? T'aimes pas qu'on te rende service, car tu sais que chaque chose a son prix. T'as maigri, ta meuf te dit viens je vais te faire des bons plats. Pas compris que ça veut dire ferme ta gueule lorsque tu réponds pas. Mais elle lâche pas l'affaire à te faire des putains d'exposés. Tu lui dis que tu bédaves plus, pourtant t'as les yeux explosés. Là t'es foutu je crois. Toute l'année tu cours après les tues, mais apparemment elle court plus vite que toi. Tu finis par penser va-t'en que tu t'enfonces quand tu sors. Fonce des tentes en putain d'oiseau quand tu dors. Les gens te cassent les couilles, tu passes de plus en plus. Tu pars de moins en moins, tu fumes de plus en plus. Bref, depuis sa mort t'as fini de pleurer. T'as presque pas dormi mais c'est l'heure de se lever.